British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, c'est Guillaume Guardes dans British Connection. Merci pour l'invitation. Comme Philippe l'a annoncé, j'ai écrit le livre IU, une histoire orale des Burning Heads. Je l'ai co-écrit puisqu'on s'y est mis à deux avec Sam Guirand. Sam que certains connaissent sous le pseudonyme de Nasty Sammy, hein, il est musicien, journaliste, auteur de nombreux fanzines, des livres, des articles dans les magazines. Il a une grande expérience de terrain, comme il le dit lui-même. Hein. Il est reconnu comme un activiste multicarte au sein de la scène française. Et de mon côté, moi qui suis auteur, chargé de production, parfois un peu multicarte aussi, carte routière notamment, ma prochaine grosse sortie en octobre, ça sera un documentaire qui raconte l'histoire des fanzines en France. Et tout y est, car dans le documentaire que je prépare, il y a du son des Burning Heads. Et puis on voit Burning Heads, le batteur et membre fondateur des Burning Heads, qui va raconter le rôle des fanzines et des radios libres dans la propagation du message des groupes indés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en ce moment même, hein, via cette émission, se servir des ondes, même si c'est des ondes numériques, pour diffuser le message. Alors, ce qui concerne le livre IU, lui, il est toujours bel et bien d'actualité, puisqu'il a eu une première phase de circulation dans des réseaux underground, et maintenant, il connaît une diffusion plus facile auprès d'un plus grand public, puisque la nouvelle édition du livre, elle est disponible depuis la fin du printemps 2022 en librairie via un distributeur. Donc, ça veut dire que si votre libraire n'a pas le livre en stock, il suffit de lui donner la référence. Vous lui dites « Je veux le livre IU, l'histoire des Burning Heads » et il pourra le commander pour vous. Et ça marche aussi bien chez les libraires indés que dans tous les supermarchés du livre. Et les Burning Heads sont mis à repartir en tournée sur les routes de France. Il y a de nouvelles dates à venir en club, en plus des dates de festivals qui sont mis à faire. Et ils sont en tournée avec leur nouveau chanteur Fra et leur nouveau ancien guitariste Phil. Et en attendant de les voir live, je vous propose d'écouter un morceau du dernier album des Burning Heads. L'album s'appelle Torches of Freedom, il est sorti sur le label Kicking. Et les Burning Heads nous ont fait une belle surprise à Sam, Nasty Sammy hein, et moi-même, en composant un morceau bien hardcore, intitulé précisément Guardes et Nasty. Alors je dois dire que j'ai été bien touché par ce geste de gentleman. Alors c'est la première fois que je le lance comme ça, comme un disque jockey à la radio. Voici Guardes et Nasty, un morceau complètement lié à la publication du livre Hey You. British Connection. En ce qui concerne le choix du groupe, les Burning Heads nous ont paru être une évidence, ils se sont imposés en nous, hein, puisque le groupe il a toujours été actif après plus de 30 années de carrière après sa formation, sa naissance à Orléans dans les années 80. Autant de temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu. Et puis, j'ai employé l'expression de péripéties romanesques leur concernant leur bio. Bah, c'est vrai que déjà, les gars, c'est des vrais caractères, des vrais personnages. Ce qui fait que le bouquin, c'est aussi une aventure. C'est l'aventure de la personnalité, des personnalités entières. C'est des gens qui décident du cours de leur destin. Hein. On a été surpris de voir que leur vie elle-même, elle a été riche en rebondissements. Moi, je sais que j'ai halluciné des confidences de Thomas qui raconte dans le livre hein, comment il avait failli abandonner le groupe, arrêter d'être batteur des Burning Heads et se mettre à vivre une vie de vagabond sous le soleil en Australie. Il vivait dans une caravane au milieu de la jungle à fumer des joints avec les hippies. Ça, c'était en 2006, au moment des maquettes de l'album Bad Time for Humankind. Donc, il voulait passer à autre chose. Et puis, il nous dit dans le bouquin qu'il n'a rien dit aux autres membres du groupe à l'époque, qu'ils n'en ont pas parlé ensemble. Jamais. Personne ne le sait. Voilà. Et que là, vraiment, ils ont failli le perdre. Alors, c'est toujours émouvant d'entendre comment dire, des confidences pareilles au moment où on est en train d'écrire le livre. Bon, alors, Thomas est resté, hein, le batteur. Hein. C'est bien lui qui continue à jouer sur tous les albums du groupe. L'Australie attendra son installation, sa retraite. Donc, évidemment, on était touchés par l'acharnement des Burning Heads, leur longévité. C'est ça qui rend le groupe pertinents et puis ils sont devenus un des groupes les plus respectés, je pense, hein, du microcosme alternatif. Ils ont contourné les modes, ils ont transcendé les styles, ils ont joué du punk, du hardcore, de l'électro même, du dub et du reggae. Et puis leur bio, en filigrane, c'est aussi le récit de toute une scène, au-delà du groupe Burning Heads à proprement parler. C'est ce que nous ont dit pas mal de lecteurs quand ils ont fait leur petit compte-rendu. Ils s'y sont reconnus, ils ont retrouvé des étapes de leur propre vie, leur propre jeunesse, leur propre code vestimentaire. XL d'ailleurs, les codes vestimentaires, XL et brodé à la main. Alors je vous propose d'écouter Hey You, c'est le morceau qui donne son titre au livre, mais c'est pas la version hardcore de leur premier 45 tours, voici la version reggae rock de leur fameux premier album Reggae Dub Opposite, donc une version plus dans l'ambiance des caravanes en lisière de la jungle australienne. British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. concerne le processus d'écriture du livre IU, on s'est partagé le volume de texte 50-50 avec Sam. Ça a été un gros travail de traitement d'un très gros volume de restitution d'entretiens, essentiellement des entretiens individuels. Et puis tout ça est organisé dans le livre en ping-pong, c'est-à-dire que les témoignages sont entrelacés, ils se répondent mutuellement. Tout ça, ça donne ce qu'on appelle une histoire orale, c'est-à-dire que la vie du groupe, elle est racontée par les membres du groupe et par les différents protagonistes qui ont travaillé avec eux, qui les ont croisés durant plus de 30 ans. Et notre rôle à nous, c'était d'aller chercher ces mecs, plus d'une centaine, et de leur poser les bonnes questions et d'en monter un récit bien construit, dense, palpitant si possible, généreux, entre guillemets, dirait Sam. Et parmi les exemples de témoignages qui sont assez marquants, il y a Philox, par exemple, leur manager fou, entre guillemets, fou de passion, tellement fou qu'on est tellement spécial qu'on en a fait une espèce de cahier central complètement rock'n'roll. Puis parmi les différents témoins notables, on trouve des gens aussi variés que Bertrand Cantat de Noir Désir, Colin Sears, qui est le batteur des Marches et de Dag Nasty. Je l'avais branché dans la loge de Dag Nasty sur un festival de hardcore en Espagne pour lui poser des questions. Il y a Kem Lalo du festival des Eurokéennes, il y a Johan qui est le programmateur du Hellfest, etc. Il y a Jack Endino aussi, le gars qui a enregistré leur deuxième album, la légende grunge, l'homme qui avait enregistré Nirvana à l'époque. Jack Endino, il donne pas ses coordonnées sur internet par exemple, et lui, pour le joindre, je lui ai envoyé une lettre aux USA par avion avec un timbre sur l'enveloppe. Bon, il avait répondu par email. Et dans IU, vous avez aussi l'histoire de la reprise de XTC, le morceau Making Plans for Nigel, reprise enregistrée par les Burning Heads pour leur premier album, en plus des morceaux initialement prévus pour ce premier album, et qui fut leur premier single et pas forcément la satisfaction générale. Et tout ça, ça donne une histoire qui est agréable à lire, je trouve. Tout ça pour dire que voici la version signée Burning Heads de ce morceau de XTC, pas forcément assumé par tous les membres du groupe, Making Plans for Nigel. We'll be right back. 1982-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas. Évidemment, écrire un livre comme You, l'histoire des Burning Heads, c'est synonyme de bons moments. Et les bons moments, enfin les meilleurs moments, c'est le partage du temps avec les membres du groupe, au moment où ils racontent leurs histoires et au moment où ils ouvrent les boîtes à chaussures. Là, on va trouver tous les visuels, toutes les photos souvenirs, les cahiers de brouillon sur lesquels ils avaient répondu à leurs premières interviews pour les fanzines. Vous avez écrit les paroles. Il y avait des moments comme ça, plein d'émotions, surtout pour un mec comme moi qui aime cette musique, hein, et pour qui le groupe a été un marqueur. Et puis, puisqu'on parle des moments et des bons moments, on va dire le revers de la médaille, hein, c'est le revers de la médaille du DIY, hein, des conditions d'autoproduction, puisqu'il faut tout faire soi-même. Alors le plus long, je l'avoue, ça a été ce qu'on appelle le chapitrage, c'est-à-dire l'organisation du livre, et puis le traitement de l'iconographie. On avait beaucoup d'images, on voulait placer des images dans le livre qui soient un petit peu originales, donc bah, c'est beaucoup de temps pour les sélectionner, faire des choix, parfois des choix drastiques. Et puis après, bah, concrètement, hein, après avoir géré les relations avec l'imprimeur, c'est pas évident non plus, hein, surtout quand on n'est pas un spécialiste de la chaîne du livre, comme on dit, comme moi, et qu'on a le stock de bouquins. Ben, il faut aller, déjà, il faut porter les cartons, hein, à 1,10 kg à peu près le bouquin. J'en ai fait des allers-retours entre la cave, les étages, et puis la poste, les mondial relais, etc. Il faut stocker ces bouquins, il faut gérer les dépôts-ventes, il faut passer du temps à faire des factures, tenir les comptes à jour. Donc on a toute une expérience DIY qui est héritée du fait qu'on ait fait des fanzines, qu'on ait géré des labels indés, etc. Mais quand on n'est pas son propre éditeur, bah, qu'il n'y a pas d'éditeur derrière sur qui se reposer, bah, il faut vraiment tout faire, les choses soi-même. Alors je vous l'ai dit, maintenant le bouquin, il est en librairie, vous pourrez vous les procurer. Vous pouvez aller voir les concerts des Burning Heads et aller au stand et demander. Alors souvent c'est JB, le bassiste, qui est le plus assidu derrière le stand de vente des Burning Heads. Et puis lui, il a la machine à carte bleue. Et il se fera un plaisir de vous vendre le livre à You, et puis surtout ils pourront tous vous le signer. Et alors, puisqu'il faut se quitter en écoutant un dernier morceau, c'est avec grand plaisir que je sélectionne Endless Loop. Là, c'est aussi le nom, le titre d'un morceau qui est extrait du dernier album en date des Burning Heads. Et puis Endless Loop, c'est le nom que j'ai donné au petit épilogue que j'ai rajouté dans la deuxième édition du livre, puisque Endless Loop, ça veut dire la boucle sans fin. Et de mon côté, c'est juste pour dire que bah, l'histoire n'est pas finie. Voilà. L'histoire des Burning Heads, après tout ce temps, je vais réussir à prononcer leur nom correctement quand même. L'histoire des Burning Heads n'est jamais finie. Endless Loop. Salvation in our brain. Are we here just to n'hésitez pas à vous procurer le bouquin Hey You sur les Burning Heads, tu vois, Guillaume, moi j'y arrive. Et puis ça, tiens, Radio Belgrade, le nouvel album, vient juste de sortir, L'Ultime Empire. Il sera la semaine prochaine, album de la semaine dans British Connection. En attendant, je vous propose le morceau Exil, Radio Belgrade. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine.